Bonjour à vous tous et bienvenue à ce journal dont voici les grands titres. Le procureur général de la République suspend le journal en ligne Ikiriho et cela pour un dossier en instruction au parquet général de la République. Et la police a interdit la tenue d'une conférence de presse par le député Fabien Ventiganino sur les cas de prisonniers toujours en détention alors qu'ils ont été acquittés par la justice. Et à la veille de la commémoration du 57e anniversaire de l'assassinat du prince Louis Rwagasore, la direction du parti UPRONA interpelle les Burundais à faire preuve de tolérance politique comme le héros de l'indépendance. Et 90% des catastrophes qui s'observent au Burundi sont liées à la dégradation de l'environnement et au changement climatique, comme le montrent les études qui ont été faites. C'est le commissaire de police chef Alain Guillaume Wignoni, ministre en charge de la sécurité et de la gestion des catastrophes, qu'il a déclaré aujourd'hui à la veille de la journée internationale de la réduction des risques de catastrophe. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour. Le corps sans vie dont certains Daikengruki et Christophe a été retrouvé dans la matinée de ce vendredi dans la zone Giza, à la 7e avenue au numéro 37. C'était vers 4h du matin. Selon le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, la personne morte est originaire de la colline Mhehe, en zone Bugarama de la commune Muramvya, et habitait au numéro 47 sur cette même avenue. La même source précise que Christophe Ndaikengurukiye venait de la boîte de nuit Escotis de ce même quartier. Et le journal en ligne Ikiriho vient d'être suspendu pour une durée que le procureur général de la République n'a pas précisée dans sa correspondance de ce 12 octobre. Correspondance adressée au directeur de ce médium. La raison est que le parquet général instruit un dossier ouvert. Le procureur général de la République prévient tout contrevenant à ses décisions contre des poursuites pénales. Et le point de presse qui était prévu d'être animé ce vendredi par l'honorable Fabien Ventiganino n'a pas eu lieu. Il explique que la police a interdit à toute personne d'entrer chez lui et il a déclaré qu'il voulait faire un appel pour que les détenus qu'il qualifie d'illégaux soient libérés. Le député Ventiganino a souligné qu'il a confiance en la justice burundaise, mais qu'il doit continuer à plaider pour cette catégorie de prisonniers. On l'écoute. Vers 9h, j'ai vu un policier chef de poste Ngagara qui est venu avec d'autres policiers. Il m'a dit qu'il a la mission d'interdire à toute personne d'entrer chez moi. Quand je lui ai demandé pourquoi et qui a donné cet ordre, il m'a dit que c'est comme c'est les deux zones. C'était une façon d'interdire son poste de presse. Il n'a pas précisé le pourquoi, non plus le temps qu'il va prendre. Qu'est-ce qui était prévu dans ce point de presse? Il était prévu que je lance un appel à vous les médias d'aider les détenus illégaux. C'est-à-dire de ceux qui sont encore en prison, alors qu'ils ont été acquittés par la justice burundaise, et ceux qui ont purgé les peines, mais qui ne sont pas encore sortis, et aussi ceux qui ont eu la grâce présidentielle, mais qui ne sont pas encore libérés. Honorable Banchiganino, est-ce que vous n'avez pas confiance à la justice burundaise? Oui, j'ai confiance, mais quand on a confiance, ça n'existe pas le contrôle. Parce que notre rôle, en tant que parlementaire, c'est de contrôler l'action gouvernementale. C'est ce que j'ai fait. La ministre est venue au Parlement, nous lui avons parlé de tout ça. Par après, je lui ai donné une liste des détenus illégaux. Plus tard, je lui ai fait encore une autre liste, et heureusement, il a bien réagi. Une trentaine parmi ceux-là sont déjà libérés. Je crois qu'il va encore libérer d'autres. Il y en a encore, ils sont très nombreux. Ça dépasse plus de 4. Vous avez dit qu'il y a des gens qui sont déjà libérés. Est-ce que vous ne croyez pas que la justice est en train de travailler sur ce dossier? Oui, la justice est en train de travailler sur ce dossier parce que le ministère a mis une commission dans son ministère chargée de ça. Je vais essayer de collaborer avec cette commission pour que nous puissions identifier le plus grand nombre possible de détenus illégaux. C'était juste la mission de ce point de presse. L'honorable Fabien Banchiganino au micro de Francine Ndihokubgayo. La police nous a signifié que c'est l'administration qui a ordonné la suspension de cette conférence de presse. Et contacté, le porte-parole du ministère de la Justice a indiqué qu'ils vont mener des enquêtes sur cette question. Adolphe Abiyarimana dit que cela peut arriver suite aux effectifs pléthoriques dans les prisons, mais signale qu'il ne peut pas le confirmer avant les enquêtes. Pour lui, chaque prisonnier qui a un dossier illégal est directement régularisé. 90% des catastrophes qui s'observent au Burundi sont liées à la dégradation de l'environnement et au changement climatique, comme le montrent les études faites. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Sécurité et de la Gestion des Catastrophes ce vendredi, à la veille de la Journée internationale de la réduction des risques de catastrophes. Commissaire de police chef finlandais Guillaume Wignoni ajoute que dans le but de réduire les risques de catastrophes, la conjugaison des efforts de tous les intervenants en matière de respect des lois relatives à la protection de l'environnement et à l'adaptation au changement climatique s'avère plus que nécessaire. Suivez-le. La célébration de la Journée internationale de la réduction des risques de catastrophes est une occasion de reconnaître les progrès essentiels réalisés dans la réduction des risques de catastrophes et des pertes de vie. Le thème retenu cette année s'appuie sur le troisième objectif du cadre d'action de Sendai, qui est le suivant. La réduction des pertes économiques dues aux catastrophes transforme les vies. D'après les études menées, 90% des catastrophes observées au Burundi résultent des facteurs liés à la dégradation de l'environnement et au changement climatique. Ces catastrophes entraînent des pertes économiques qui ont un impact sur le produit intérieur brut du pays. L'exemple est celui de la catastrophe de Gatunguru qui est survenue dans la nuit du 9 au 10 février 2014, entraînant ainsi des dommages dont le coût total était estimé à 6,9 milliards de francs burundais. Le Burundi dispose néanmoins des instruments juridiques dans le domaine de protection de l'environnement. Et il s'agit principalement du code de l'environnement, du code de l'eau, du code des forêts et du code minier. La mise en application de ces textes reste en défi si on observe le niveau de dégradation de l'environnement ainsi que le niveau d'engagement des intervenants. La réduction des pertes économiques consistera donc à la mise en application de ces textes et à cet effet, le ministère de la Sécurité publique et de la Gestion des catastrophes se chargera de coordonner tous les intervenants impliqués dans ce domaine afin de promouvoir une évolution de changement d'attitude et de comportement face aux questions liées à l'environnement et à l'adaptation au changement climatique. Alain Guillaume Wignoni, les cérémonies marquant cette journée au Burundi ont été reportées au 19 octobre du fait que la journée du 13 octobre coïncide avec la commémoration du 57e anniversaire de l'assassinat du héros de l'indépendance nationale. Et certains exploitants des mines et carrières des régions Est et Centre disent rencontrer des difficultés dans leur travail suite à certains administratifs qui traînent à délivrer des documents. Ils se sont exprimés ce jeudi lors d'une rencontre entre le ministère de l'Énergie et Mines avec les représentants des coopératives, les autorités provinciales et communales ainsi que les corps de la police. Suivez ces exploitants des mines et carrières. Nous faisons face à d'énormes difficultés quand nous allons déposer les copies. On commence par le cabinet du gouverneur, le bureau de l'administrateur et celui du chargé de la sécurité. Mais quand nous arrivons chez les administratifs à la base, c'est une casse-tête, même si nous montrons ces documents. Ces derniers te demandent d'où tu viens, ce qui te pousse à commencer l'exploitation avec un retard. Si le bureau de l'OBM nous donne les documents et que nous les déposons chez l'administrateur et chez les chargés de l'environnement, nous pensons que nous sommes au complet. On ne comprend pas ce blocage avec prétexte que les sites d'exploitation connaissent des problèmes. J'aimerais savoir quels sont ces problèmes. Il y a ceux qui ont l'intention de passer outre la loi en perturbant les activités de ces miniers. Quand nous attrapons ceux qui font ce travail en dehors de la loi, nous aimerions que ce dossier soit traité par les autorités compétentes, juste pour éviter que les comités mixtes de sécurité et tout consort se mêlent dans cette affaire. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Le parti APDR salue le courage du prince Louis-Louis Gassoré qui a permis au Burundi d'accéder à l'indépendance. Dans un communiqué de presse sorti ce vendredi, à la veille de la commémoration du 57e anniversaire de l'assassinat du prince Louis-Louis Gassoré, Gabriel Banzaoui Tondé, président de ce parti, a regretté cependant que l'héritage de Gassoré n'ait pas suivi comme il se doit. Il demande aux dirigeants actuels de combattre le népotisme, comme prôné par son héros de l'indépendance. On l'écoute. Pour le parti APD, nous félicitons le courage qui caractérisait le prince Louis Gassoré. Il défendait le pays, il avait l'intérêt que le Burundi soit indépendant et vous voyez qu'il a été assassiné à l'état que le Burundi soit indépendant. Pour le parti APD, nous demandons tout Burundi de respecter cet héritage en défendant les intérêts généraux du pays. Mais aussi, nous connaissons ce qu'il disait, que dans le pays, on n'a pas besoin de voleurs, on n'a pas besoin de malfaiteurs, mais plutôt construire un Burundi nouveau. En Burundi bien rétabli. C'est un héritage que chaque Burundais aussi doit respecter. Vous parlez de voleurs, vous parlez de malfaiteurs. Est-ce que cette catégorie de personnes existe aujourd'hui, 5 à 7 ans après son assassinat? Oui, jusqu'à maintenant au Burundi, il y a ces malfaiteurs. C'est pourquoi dans le communiqué qu'on a sorti, on a demandé que comme la prochaine fois, il y aura 5e round de la guerre au Burundi, on a sorti ceux qui participeront de défendre l'intérêt général à ne pas s'asseoir avec les criminels, puisque nous savons que c'est déjà existe. Même ici au Burundi existe. C'est pourquoi on a aussi sollicité ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui de connaître ce que Gassoré a dit. Il disait qu'il faut partager tout ce qui est au pays. Mais si on regarde aujourd'hui, il y a le népotisme, il y a la familiarité, il y a l'octroi de l'emploi, il y a ceux qui ont le pouvoir qui veulent rester sur le pouvoir sans te partager le pouvoir avec les autres. Ça, c'est un handicap. Mais aussi, on devrait reconnaître ce qu'il a dit. Vous nous jugerez à nos actes. Votre satisfaction sera notre fierté. Alors, on se demande, est-ce que le dirigeant d'aujourd'hui satisfait la population. Voilà comment l'héritage de Gassoré peut être un souvenir pour nous. Même au parti UPRONA, dont le prince Louis-Louis Gassoré est fondateur, on fait savoir que cette journée de commémoration intervient au moment où la direction de ce parti a entamé et poursuit le rassemblement de ses membres. Olivier Nkurunziza, secrétaire général et porte-parole de ses formations politiques, appelle le pouvoir à combattre l'injustice et à promouvoir le développement pour se conformer à l'héritage du héros de l'indépendance. L'héritage de Gassoré, même ce qui a poussé que Gassoré soit assassiné, c'était son amour pour le Burundi. C'était son combat contre l'injustice. C'était sa lutte pour l'unité des Burundis et surtout pour l'indépendance des Burundis. Et c'est cela qui a poussé que Gassoré soit assassiné. Alors, nous, les Burundais, nous devons être les partisans de lutter contre l'injustice, de lutter pour avoir l'unité au niveau des Burundais. Mais aussi, Guagasore, il était vraiment un homme de principe de sa vie qui disait qu'il y avait la paix partout dans le Burundi. Voilà ce que nous demandons au Burundi, c'est de sauvegarder la paix, c'est de lutter contre la pauvreté parce qu'il avait mis en place les coopératives pour lutter contre la pauvreté, mais aussi de rester unanime et de garder l'esprit de tolérance dans la pratique et de la vie quotidienne pour les hommes politiques. Ils doivent garder l'esprit de tolérance et de l'amour partout dans tout ce qu'ils font. Au niveau du parti Prona, nous pouvons dire que, bien sûr, il y a eu des problèmes, il y a eu des divisions internes. Nous avons lancé un vaste chantier de rassembler les Badasigana qui ont quitté le rang du parti Prona suite à des diverses raisons. Il y a des Badasigana qui ont quitté le parti en 2015, il y a des Badasigana qui ont quitté le parti en 1993 et qui ont embrassé d'autres formations politiques. Au niveau du parti Prona, nous sommes en train de l'assemblée dans les différentes provinces. Et nous saisissons cette occasion, effectivement, de féliciter les provinces qui sont en avance dans cette émission sanitaire. Et nous encourageons d'autres provinces de les emboîter le pas dans cette noble tâche qui nous fera qu'honorer la mémoire et l'héritage du prince Louis Gwa. Olivier Ngonziza, secrétaire général et porte-parole du parti IPRONA, la Fondation pour le logement du personnel de l'enseignement, va bientôt reprendre l'octroi des crédits logement aux enseignants affiliés à cette fondation. 1000 enseignants vont bénéficier de ces crédits avant la fin du mois de décembre prochain. La transparence sera appliquée pour éviter le favoritisme, ce selon les propos du vice-administrateur gérant de cette fondation. Correspondance de Gérard Nibikira. Le vice-administrateur gérant de la Fondation pour le logement du personnel enseignant, Victor Ndabaniwe, fait savoir qu'avant la fin du mois de décembre prochain, 1000 enseignants bénéficieront des crédits logement. 15 millions de nos francs est le plus grand crédit que la Fondation puisse donner à un enseignant qui le rembourse pendant 15 ans. Il précise que depuis la création de cette fondation en 2008, il a connu des difficultés liées essentiellement au manque de fonds. Il ajoute néanmoins que cette fois-ci, il y aura une certaine amélioration. Il explique cette amélioration en précisant que le comité exécutif de la fondation était provisoire, mais qu'après une retraite de 4 jours tenue à Gitega, les membres du comité exécutif et définitif ont été élus. Il s'agit de 4 représentants du gouvernement et de 6 représentants des syndicats des enseignants. Au moment où certains enseignants reprochent à la Fondation d'appliquer le favoritisme pour octroyer des crédits logement, Victor Ndabaniwe promet que la transparence sera désormais appliquée en respectant l'ordre de dépôt des dossiers de demande et l'équilibre régional. Cela étant, 2000 enseignants ont déjà bénéficié des crédits logement depuis la création de la Fondation pour le logement du personnel enseignant, qui compte maintenant 10 000 affiliés. L'effectif total des enseignants de tout le pays approche 78 000 enseignants et le gros d'enseignants sollicite des crédits dans différentes autres structures financières. Depuis Gitega, Gérard Nibigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard Nibigira. Quelques nouvelles en bref. Relance au jeudi de la campagne de délimitation des zones de frayeur dans le lac Tanganyika du côté de Rumonge. Juvenal Sahabo, directeur de la promotion des filières halieutiques, dit espérer que cette fois-ci, ces zones seront respectées puisque les intervenants dans ce secteur ont décidé d'agir en synergie en vue d'augmenter les prises dans le lac Tanganyika. Et l'équipe nationale burundaise de football Inama Murugamba affronte les Aigles du Mali ce vendredi à 21h, heure locale, au stade du 26 mars à Bamako. C'est dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera au Cameroun l'année prochaine. Dans le premier match, le Burundi a battu le Soudan du Sud par 3-0. Au second match, le Burundi a égalisé par 1-0 avec le Gabon. Et le match retour entre le Burundi et le Mali est prévu mardi prochain à 15h. Ce sera au stade Prince Louis Rwagasore. Et au dernier jour du sommet des chefs d'État de la francophonie, Louise Mushikiwabo a été désignée pour occuper le poste de secrétaire général de cette organisation. Mushikiwabo était jusque-là ministre rwandaise des Relations extérieures. Elle succède à la Canadienne Michaëlle Jean.